L'année d'après, en 2002, il fonde sa firme, Bermax. Mon prénom est Bernard. Puis Max, ben écoutons, c'est Bernard au maximum. OK. C'est ça. Trépanier des ondes, sa compagnie s'appellerait JP Max, mais heureusement, il ne prend pas 3%, mais donne son 100%. Voici votre animateur, Jean-Philippe Maximum Vautier! Oh! Oh! Oh! Il fait chaud! Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de la révolution hein, que s'apprête à vivre Montréal, mesdames et messieurs. Attachez vos trucs. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey boy. Hey non, mais le visage de la ville de Montréal s'apprête à changer, mesdames et messieurs. Ah ouais? Ouais. Ils vont mettre du clairassé, c'est nid de poule, finalement. Hey, bonne. Non. En fait, je parle du nouveau projet de l'échangeur Turco que le gouvernement marois a annoncé cette semaine. Ah! Boy. Là, ils n'ont pas fait comme les libéraux. Là, ils ont écouté tous les intervenants, j'espère, là. Tous les intervenants. Écoutez, ils ont écouté le ministre du Transport, ils ont écouté le président du Conseil du Trésor, ils ont écouté tout le monde. Tous les intervenants ont été consultés, Fred. Fait qu'au lieu... Ça a changé, donc. Au lieu d'être pris en 2014, ça va être pris en 2020. Ah! Ouais. Ben, il va être plus moderne. Effectivement, en 2020, il n'y aura pas 6 ans. Fait que ça va être un projet neuf. Ben ouais. Enfin, quelque chose de nouveau. Fun. Il va être moderne. Ben ouais. Hein? Bon. Puis au lieu de coûter 2 milliards, ben, il va coûter 3,7 milliards. Et là, je vous entends. Il y en a qui vont dire, c'est une explosion des coûts. Ce n'est pas vrai. On ne fait que relever le plafond. Hein? Ah! Ben oui. Il va avoir un plafond? Oui. Ah, ça va être un tunnel, finalement. Non. Non. C'est un plafond suspendu. Ah! C'est un petit peu moins solide. C'est un plafond de Damoclès, qu'il appelle? Ah ouais? Ouais. Quand ça tombe vite. Damoclès, c'est un Italien, ça? Non, je pense que c'est un Grec. Ah! Et on sait que quand on parle de Grèce, c'est solide. Ah ouais, donc, ouais. Donc, il n'y a pas de stress là. Hey, gars, ils ont des routes là-bas, Fred. Là. Ils ont des routes, ça date de Damoclès, ah ouais. Pour te dire. Ah, Damoclès, c'est lui qui vivait dans le quartier, le Platon Mont-Royal. Oui. Ah ouais. La clique du Platon, qu'il appelait. Il faisait des 5 à 7 à Sigu, eux autres. Ouais. Un 5 à 7. Il venait pas après. Mais là, les manifestants, là, ils vont-tu pouvoir bloquer le nouvel échangeur en 2020? Hey, on se fait rire. Ah, Ouais, les manifestants, ouais. Là, ouais. Ouais, ouais. Ben oui, sûrement, mais s'ils donnent leur itinéraire. Ah ouais. Jean-François Lisée pour ça, lui. Ah ouais, Lisée, ça, c'est l'ancien ministre libéral. Non, c'est le nouveau ministre péquiste. Ah, je mélange tout le temps, eux autres. C'est bien, bien mélangeant. Mais ils sont pas faciles à suivre, le PQ, hein. Je pense qu'eux autres aussi, ils devraient le donner leur itinéraire. C'est vrai. Ah, mais ça nous aiderait. Non, mais je pense qu'il y en a un. Ils en ont un, mais ils font arculons. Ah! Il part de la fin vers le début. C'est pour ça que c'est mélangeant. C'est bien mélangeant. Bon, une autre bonne nouvelle qu'a appris Montréal cette semaine. Hein? Sachez que Montréal est en 16e position des meilleurs centres financiers au monde. Ah ouais? Ben ouais. Qui a fait le palmarès? Je pense que c'est la mafia italienne. Ah fait. Ouais. Je vois pas autre chose. Juste 16e. Juste 16, mais ça monte, hein, avec la commission Charbonneau. Et il n'y a pas que des bonnes nouvelles pour Montréal, il y en a pour tout le Québec aussi. Hein. On a appris que François Legault avait un plan. Hein. Il a dévoilé son grand projet fédérateur. Ah, mon Dieu. Nettoyer les berges du fleuve, vendre les terrains à des entreprises privées et faire des milliards en profit. Mais là, franchement, c'est comme un plan nord, mais au sud, ça. Non, en fait, le plan nord, ça cochonne les berges. Terrain, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et le plan de Legault, lui, ça le nettoie. Ah! Complètement différent. Ah. En fait, c'est drôle, hein? Parce que moi, plus j'y pense, plus je nettoyerais les berges de Bernard Trépanier. C'est vrai, ça? Il me semble qu'il n'y a pas les berges propres, ce gars-là. Non, non. Il y a du sébum dans les berges, hein? Ouais. C'est pour ça qu'il entend mal. Oui, il entend pas bien. Ouais. Il paraît d'ailleurs qu'il entend juste 3% de ce qu'on dit. Ah ouais? Hein? Mais fait cocasse, hein, ça tombe bien parce que nous, on croit seulement 3% de ce qu'il dit. Tout est égal. C'est encore beau. Hey, parlant de ça, la commission Charbonneau, va falloir que ça arrête, ah cette ouais. affaire-là. Hey, encore une fois, là, 3/4 de firmes d'ingénieurs là, qui ont été obligés de démissionner. C'est un hécatombe. Je le sais, c'était carrément. Et ça envoie un mauvais message à nos leaders. Qui va être là pour encaisser l'échec de la mafia? Qui va être là? Hey, puis ça va tomber en deux chaises. Hein? Puis là, les jeunes ne voudront plus être ingénieurs. Puis on n'aura plus personne pour concevoir nos chaises. Non. C'était carrément. On va être pognés pour être debout, mesdames et messieurs. Se tenir debout. Puis au Québec, on n'aime pas ça, se tenir debout. Bon. Enfin de l'humour social. Je peux pas faire des jokes de pète chaque semaine. Ben non, ben non. Faire semblant qu'on gagne de l'argent. Ça a été également une grosse semaine pour la ville de Toronto, ceux qui ont suivi ça. Hein. Il y a Stephen Harper qui était sur place pour recevoir en grande pompe deux invités de marque. Elle n'a pas encore les deux d'occupation double, là. Non, une... une petite coche intellectuelle au-dessus. Ah ouais? Deux pandas. Ah! C'est tellement cute! Des pandas! Je le sais. Puis ils ont un point en commun avec les gens d'Occupation d'eau, par exemple. Ah ouais? Oui, ça mastique beaucoup de bambou. Ouais, mais il y en a qui ont du poil, hein? Ouais, les autres n'ont pas. Mais là, encore une fois, là, il y a... Y a des... Moi, ça fait du bien de redescendre un peu. Mais encore une fois, il y a des gens qui ont chiolé, hein? Parce qu'au même moment, il y avait 6 Autochtones qui venaient de finir une petite marche de 1600 km. Trop large pour courir. Exactement. Hein? Pour nous sensibiliser à leurs conditions de vie, puis Harper n'était pas là. C'est clair, hein? Non, non, mais là, c'est normal en même temps. Les pandas sont en voie d'extinction. Effectivement. Et pas les Autochtones. Non. Hein? Hey, y en a encore beaucoup. Quand je me promène dans les rues, j'en vois plein, moi. Ah ouais. Hey, et pas les pandas. J'en vois pas de pandas dans les rues, moi. Hein? Ben, franchement. Cependant... Cependant ou cependa? C'est quoi ces jeux de mots-là? On est-tu rendu samedi matin? Je disais donc... Merci. Je disais donc que cependant, hein, je vois nos deux invités qui ont très hâte de venir nous voir. Hein. On va recevoir Denis Trudeau, l'ancien chef d'antenne de la CBC. Ça, c'est pas le fils de Pierre Elliott, toujours? Non, les enfants de Pierre Elliott ne veulent pas venir nous voir. Ah non? Non, non, enfin. Surtout Justin, d'ailleurs. Et on va commencer la soirée avec Stéphane Bédard, qui est le président du Conseil du Trésor du Québec. Le Québec a un trésor, toi. Oui, et ça s'appelle la péréquation. Ah! De toute façon, s'il y en a d'autres, on va avoir le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune! Olivier, oui. Parlez-nous des internets. Ben oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire tous les détails des chicanes internes que Radio X met en scène pour se faire de la promo. On pourrait faire ça, nous autres aussi, là, avec une autre émission. Infoman? Oui, on émission de samedi matin. Maintenant. OK, parfait, on va essayer de faire ça. Hey, mais grosse semaine d'actualité, hein? Tellement qu'on n'a même pas eu le temps de parler de la nouvelle de la semaine. Radio-Canada va changer de nom. Ben oui. C'est pas une blague. On va mettre maintenant ici, donc le petit mot ici. Partout, hein, partout. Donc, va falloir dire ici Radio-Canada, ils sont habitués, mais il va falloir aussi dire ici télévision. Ici Internet, ici Première. Ici Première, oui, non, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est comme ici Première, comme dans ici Première chaîne radio. C'est plus court. Mais là, c'est peut-être plus court, mais on comprend rien. Là, il me semble qu'on risque plus de se faire dire ici le piton de la radio changer de poste. Mais on donne ici Première. Ouais, moi, je t'avoue, Fred, je ferai attention parce que vous allez entendre ici votre 4%. Ah ouais? Où ça? Un peu partout, Fred. Tant que tu mets ici devant, il n'y a pas de problème. OK, Georges St-Pierre, je ne sais pas si vous avez entendu ça, il va jouer le rôle dans le prochain film de Captain America, de Batroc the Leaper, qui est un criminel bilingue qui ne possède aucun pouvoir surnaturel, mais qui pète des gueules avec ses poings. Hein, pour on trouve ça le fun. Ça nous a donc inspiré notre palmarès de la semaine. Hein? Alors, voici donc 5 autres personnalités québécoises qui devraient jouer dans des films de super-héros. On va avoir du fun. Ah ouais, je pense que oui. En 5e position... Sam Hamad dans le rôle de l'homme élastique. Un homme manquant de flexibilité se met constamment le pied dans la bouche. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il est mou. Ça va être bon. En 4e position, Pauline Marois dans le rôle de Wonder Woman. Une femme sauve ses compatriotes en devenant invisible. Il y a fête dans le village. En fait. Finalement, c'est no wonder, just a woman. Aïe. C'est parce que dit de même, ça va en moins, fait. En 3e position, Philippe Couillard dans le rôle de Austin Power. Un agent secret du SCRS congelé en Arabie Saoudite est décongelé pour devenir chef du Parti libéral. Non, moi, je le verrais plus jouer, la créature des marais. La créature des... Ah, Paul des marais. Vous en avez de la culture, vous? Je suis allé au séminaire. En 2e position, Lucien Bouchard dans le rôle de Robin Wood. Robin Wood. Un homme prend aux pauvres pour remettre aux riches. Non, non. C'est drôle, moi, je l'aurais plus vu dans Papy fait de la résistance. Vous êtes né en quelle année pour rédacter ça? Ben non, mais moi, Bourville, je l'aimais. J'allais voir ça au cinéma égyptien. Avec Damoclès. C'est ça. Vous étiez dans la clique du Platon. Et en première position, Daniel Breton dans Batman et Robin. Un super-héros laisse traîner ses bouteilles vides dans sa Batcave et ça sent la Robin. C'est facile. Ça, c'est avoir une suite, hein? J'espère que non. Fred, notre premier invité. Président du Conseil du Trésor, notre premier invité a baigné dans la politique toute sa vie puisque son père était ministre péquiste dans le premier gouvernement de René Lévesque. Accueillons le député de Chicoutimi, Monsieur Stéphane Bédard. Hey, merci. Bon. Belle prononciation. Je pense que c'est la première fois qu'on a quelqu'un de la région. Ben, je dis de la région parce que je viens de là. Vous pouvez baisser le son, hein? Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous savez que la semaine dernière, on recevait un de vos collègues de l'autre bord de la chambre, Robert Poitier, qui a l'air de beaucoup vous aimer. Hein? Parce que tout le long, à chaque fois qu'on parlait de vous, il nous disait « Ah, avec Stéphane Bédard, vous allez rire. Êtes-vous drôle? » Écoute, ça dépend des journées. Je veux dire honnêtement, mais vous êtes inspirant. Là. J'aurais tendance, mais je peux pas vous battre. Là. Je vous vois, je vous écoute, là, puis honnêtement, je me risquerai pas. Je vais tenter d'être plate aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Ah mon Dieu. Mais c'est pas grave. On a c'est parce qu'on n'improvise pas, nous autres. Non, c'est ça. Non, c'est ce que je vois. J'aurais aimé ça avoir les textes avant, d'ailleurs. Ça m'aiderait. Hein? Hey, vrai, Jean-Marc Fournier. Bon, mettez-moi que la prochaine fois, je vais avoir les textes. Vous allez voir, je vais être meilleur. Non, mais non, mais on a reçu Jean-Marc Fournier qui était très bon aussi. Ah, OK. Oui, ben, il est meilleur qu'ensemble, sûrement. Ouais. Non, non. Il était pas très bon. OK. Premièrement, bonne nouvelle, M. Bédard, nouvelle. On apprenait cette semaine qu'on garde toujours le cap vers le déficit zéro pour 2013-2014. Et ça, c'est le fun. Malgré que le ministre Marceau a annoncé qu'il y avait quand même un trou dans les revenus de 500 quelques millions. Comment on fait pour garder le cap sur un déficit zéro malgré une baisse de revenus? Bien, on a toujours des petits coussins qui nous permettent de faire en sorte... 160 millions dans ce cas-ci. Et on s'assure comme ça de, avec un bon contrôle des dépenses. Ouais, ouais, ouais, vous savez, Scoutimi, on est fort sur le contrôle en général. Mais donc, et tu, je pense que tu peux en témoigner aussi. Ouais, donc, ce qui fait que je m'assure qu'on contrôle bien nos dépenses, puis à travers ça, on est capable d'atteindre l'équilibre. Mais l'autre 400 millions de trous, vous l'avez rempli comment, ce fois-là? Ben, on a toujours des façons. Vous savez, moi aussi, au Trésor, dans les dépenses, lui, Nicolas, il a le beau côté des choses. Lui, il perçoit les revenus. Ben, ça paraît pas. Lui, c'est lui qui va annoncer des fois certaines taxes, qui va annoncer... Ça, c'est le bon côté? Ben, c'est le bon côté parce que lui, il capte les revenus. Moi, tout ce que je fais, moi, je dis non à tout le monde. C'est ça qui est plus dur un peu. C'est le côté un peu ingrat de la politique. En fait, on a de la chance aussi parce qu'Ottawa nous a donné un petit peu d'argent de plus. Puis ça, c'est un méchant beau cadeau. Ah, écoute, hein, surtout, ce qui est beau en politique, surtout avec le fédéral, c'est que c'est notre argent. De se faire redonner son argent, hein, c'est comme un cadeau, mais de l'autre côté, il faut dire qu'on paye beaucoup d'impôts, puis malheureusement, des fois, ça se répartit assez inéquitablement. Mais on rentrera pas là-dedans. Non, c'est trop sérieux. On est à ICI Radio-Canada, c'est bien embêtant. D'ailleurs, il faut se pratiquer. Tant qu'on n'est pas à ICI Harper, là, ça aurait pu arriver. Bon. Ou ICI La Reine, ça aurait pu être pire, votre slogan aussi. Là. Il aurait pu transformer ça en mettant un peu... Je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est un des contrats. C'est sur le contrat qu'on a signé. D'ailleurs. On ne fait pas de blagues sur personne d'autre effectivement. Que le PQ. Écoute, honnêtement, c'est ce que j'ai vu dans les dernières émissions. Ouais, on est assez inspirant pour votre groupe. Ben, on va essayer de pas trop l'aider prochain mois. Quand le Parti libéral est parti, on s'est dit, mon Dieu, on n'a plus de show. Non. Ce sera plus drôle. Puis, paf, la deuxième journée, bingo. C'est meilleur qu'avant. C'est bien meilleur qu'avant. Ah ouais. Non, c'est meilleur, ça en vient, mais Jean-François est tout le temps là pour animer tout le monde. Ah, ça, Jean-François. On compte beaucoup sur Jean-François. Il est intarissable. C'est quelqu'un, il est en charge de nos communications gouvernementales et je pense qu'il le fait bien. Ah, il le fait très, très bien. D'ailleurs, on va parler plus tard de ses gestes avec sa chanson, là, Notre Home, avec Denis Trudeau, qui a probablement été énormément touché. On me dit qu'il va la chanter, d'ailleurs, M. Trudeau. Il me l'a dit tantôt. Il l'a appris par cœur. C'est ce que je pense aussi. C'est le fun de recevoir un ministre péquiste, en fait, au pouvoir. Hein. Ça va être un des derniers, probablement, parce qu'on a appris que la fin du PQ s'en venait. Le PLQ, chef, avec M. Couillard, qui va probablement déclencher des élections bientôt. On s'entend que ça va être d'ici un an, ou à peu près. C'est bien que vous le sachiez. C'est bien que vous ayez la primeur. Là. Ben non, mais... Je parlais à mon ami Philippe, puis il me disait justement que ça va être dans pas si longtemps que ça. Et il y a aussi les gens d'Option nationale. On parlait du chef d'Option nationale ces gens-là n'arrêtent pas de dire que le PQ est en train de disparaître à cause de votre mollesse référendaire. Est-ce que c'est vrai que vous êtes mou du référendum, vous? Non, mais la question est bonne. Écoute, c'est une belle phrase, honnêtement. C'est de la mollesse référendaire. Je t'avouerai que pour eux, c'est sûr que c'est étonnant d'avoir des gens qui ont des convictions. Oui, on veut faire un pays, puis ça, et pour des gens de l'autre côté qui peuvent être associés à toutes sortes de choses, l'intérêt de la politique en général, il peut avoir beaucoup d'intérêts qui t'amènent à la politique. Mm-hmm. Moi, le bon côté, je vous le dis bien honnêtement, il vient d'une région qui est très souverainiste, c'est l'idée de faire un pays. Alors, ça amène toutes sortes de possibilités, de sacrifices, mais en même temps, c'est le beau côté de la politique, c'est celui de le faire pour des idéaux, ce qui fait que on a quelque chose de plus, effectivement, qui nous amène parfois, je vous dirais, à être un petit peu plus responsable. C'est quoi déjà la question? La question, c'était la mollesse référendaire. Ah, c'est ça. Mais j'ai trouvé molle, la question, honnêtement, puis elle n'était pas claire. Bon, on va aller tout de suite dans le cru du sujet. Il y a beaucoup d'analystes parlementaires qui vous trouvent flou. on l'a lu, et qui trouve que vous manquez de souplesse et que vous avez ben, ben mauvais caractère. Moi? En même temps, vous êtes un bon ami de mon père, et mon père a un très bon caractère, alors il ne m'a jamais parlé de votre mauvais caractère. Cependant, il y a Catherine Delisle, la journaliste à Cyberpresse, qui a dit de vous on a annoncé que vous conserviez votre rôle de leader parlementaire, avec Stéphane Bédard, on a connu le pire climat à l'Assemblée nationale, tellement le ton était abrasif et irrespectueux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, c'était une époque qui était assez triste au Parlement, okay, je t'avoue, hein, okay, où okay. On avait à combattre des décisions gouvernementales par rapport à la... pendant 2 ans, on a réclamé la commission d'enquête, souvenez-vous. Et il vient à un moment donné, moi, je suis quelqu'un, effectivement, qui m'amuse tous les jours. D'ailleurs, il y a plein de gens ici qui peuvent en témoigner. Mais en même temps, c'est duro. Vous êtes capable, vous, de faire de l'humour avec la corruption. Ouais. Mais il vient à un moment donné, ça vient compliqué quand tu es à l'Assemblée. Ben, il y a des tours de phrase que tu ne peux plus faire. Donc, oui, effectivement, c'est... Il y a un moment donné où le langage est devenu plus rude, où les questions étaient serrées, mais en même temps, je suis très fier de ce que j'ai fait parce qu'il y a des sujets, moi, là-dessus, où je ne pouvais plus rire. Là, je trouvais qu'on avait dépassé les limites et ce que je vois à la commission Charbonneau illustre assez bien l'état dans lequel on se trouvait. Là, j'ai vu, moi, le maire de Laval rester en poste, être sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec, oui. Puis il n'y a personne qui s'opposait à ça. Puis on posait des questions. Ah non, vous savez, présomption d'innocence. On n'était pas dans présomption d'innocence. On était face à des actions pour lesquelles le gouvernement n'avait pas de réponse. Et c'est pour ça que des fois, je suis abrasif, mais ça m'arrive d'avoir des bons côtés. Oui, calmez-vous. Tu m'inspires, Jean-Philippe, pour ça. Là, hein. Parlons un peu des changeurs Turcot. On a parlé en début d'émission. Il y a eu l'annonce en début de semaine. On parle de 3,7 milliards de dollars. Oui. C'est beaucoup d'argent. On parle on va achever ça en 2020. Donc, on peut penser vers 2030, normalement. Ouais. Mais je veux dire, si on se donne un ballpark figure, ben, il faut commencer. À un moment donné, il faut commencer. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas si contents que ça de l'annonce de l'échangeur Turcot parce que quand l'annonce avait été faite par les libéraux, on avait dit, bon, pas assez de transport en commun, le mobilier urbain aux alentours n'est peut-être pas adapté pour recevoir le même genre de projet. On voulait développer ce coin-là. Et pourtant, vous arrivez avec un projet qui ressemble beaucoup à celui des libéraux. Amélioré. Ça devrait être assuré. C'est un gars de Jonquière, d'ailleurs, qui l'a proposé. Donc, c'est Sylvain beau, Godreau, Jonquière! Voilà. C'est beau! Ils ont des députés très compétents et qui est un adepte du transport en commun, qui prend son vélo régulièrement, qui a fait le grand défi Pierre Lavoie. C'est un gars, un vrai converti au transport en commun. Donc, il l'a amélioré, il l'a bonifié. Okay. J'avais plein de dossiers à parler. Je voulais parler de la langue avec vous, mais on va en parler avec M. Trudeau qui vient nous rejoindre. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Ben, on a de la bière. Je vois que vous êtes arrivé avec votre bière. Oui, sans gluten, d'ailleurs. Sans gluten. C'est très important. Vous savez que c'est un produit fait par des petits gars de chez nous, ça? Et c'est ce qu'on m'a dit. Ben c'est pour ça j'ai un petit côté chauvin. Ben non, donc, je comprends. Et je vous avoue qu'elle Montréal, est très bonne. En tout cas, ici, hein, c'est ici, chez Koutimi. Le talent vient de là, Fred. Alors, vous restez avec nous, parfait. Je sais pas si vous avez aimé le passage de Bernard Trépanier à la commission Charbonneau. Nous, on l'a beaucoup aimé. Et on regrette quasiment que sa compagnie, Bermax, n'existe plus. On a donc décidé de la faire revivre grâce à cette publicité. On écoute. Vous voulez-tu gagner vos élections municipales? Faites comme Boisbriand, Saint-Jérôme, Le Gardin, Ville-Saint-Laurent, Longueuil, Repentigny, Saint-Léonard et Laval. Appelez-moi chez Bermax, puis je vais vous arranger. Ber, c'est pour Bernard, mon prénom. Puis Max, c'est pour Maximum. Bernard au maximum. C'est pas mon nom de famille, là. C'est mon AB. J'aime ça aller au maximum. Que ce soit pour gagner des élections, organiser un tournoi de golf ou bien pour avoir des contrats municipaux, je vous garantis que je donne mon Bernard maximum. Si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, je vais vous donner un beau T-shirt de Dessau. C'est la seule affaire que je donne, à moins que tu t'appelles Zampino. C'est Bernard qui vous dit, avec moi, gagner une élection, ça va d'être un minimum plus 3% pour toi, et les honoraires, ça va d'être un maximum. Oui, calmez-vous tout le monde. Il est avec nous ce soir. Il est de retour de vacances, sain et sauf, et c'est le plus important. C'est un peu notre Dennis Trudeau à nous. Ouais, hein? Ouais. C'est notre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va super bien. Comment ça se passe, le retour? Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. Oui. Mais en fait, j'ai été un peu traumatisé de ma débarquée de l'avion, Jean-Philippe. Je vais vous dire que j'ai capoté ferme quand j'ai aperçu les nids de poules et l'état de nos routes au Québec, Jean-Philippe, ça n'a pas de bon sens. Je me suis dit, voyons, on dirait la face de Fred Savard. Et comme tout le monde est pourri à Montréal, même les élus n'osent plus donner de contrat pour les boucher, ces nids de poules-là, hein, parce que la mafia va se remplir les poches avec, on le sait. Oui. Et à ce propos, il y a le polémiste et animateur à Radio X, Éric Duhaime, qui a dit sur son compte Facebook... Coupez dans toutes les dépenses publiques. Retournez-nous la moitié de nos taxes municipales et les citoyens vont s'occuper de boucher les trous mieux que n'importe qui payé par la ville. Je me suis dit, tu parles d'une bonne idée, je veux mettre la main à la pâte moi aussi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec le père de cette idée, Éric Duhaime lui-même, qui est dans mon char avec moi et une grosse poche d'asphalte. Bonjour Éric. Salut Jean-Sébastien. Ça va bien? Très bien. Alors, on se dirige vers Radio-Canada. On va repatcher le boulevard René-Lévesque Est au grand complet. Mais en attendant, avant d'arriver, j'ai une petite confession à te faire, Éric. J'ai toujours rêvé de te rencontrer. T'es un peu mon idole. Parce que si tu veux tout savoir, je travaille à la soirée, t'es encore jeune. Juste pour la paix, parce que je suis bien tanné d'être associé à cette émission de prétentieux gauchistes animée par un gauchiste dont on connaît même pas le nom de gauchiste, qu'ils soient juste des invités gauchistes du PQ. Mais tu comprendras quand même mon étonnement, quand même, de savoir que tu as accepté mon invitation quand l'une de mes 9 recherchistes gauchistes me dit ça. Je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ma question, tu serais pas un peu guidoune, mon bon Éric? Hein, je pense que je m'assume, là, dans l'industrie, je suis pas le seul. Je pense qu'on est un peu tous comme ça dans les médias. Et comme tu sais, Jean-Sébastien, je viens de lancer un livre, Libérez-nous du syndicat, et j'ai besoin de le vendre. Donc, je me suis dit, je vais aller voir les auditeurs qui sont les plus riches, c'est-à-dire les gens qui écoutent Radio-Canada. Mon livre est en vente, d'ailleurs, présentement à 12,95 $. Juste 12 piastres? Eh oui, la publicité le dit, là, 2 fois moins cher que les livres de Jean-François Lisée, avec 2 fois plus de bonnes idées. Donc, c'est à bonne place, passez ma plug. Excellent. En même temps, comme je t'aime beaucoup, je me suis dit, je vais aussi lui offrir l'opportunité de faire de la radio que du monde écoute. Je veux dire, ça doit te faire drôle parce qu'ici, Éric, on a des auditeurs. Est-ce que ça te gêne de parler dans le micro dans un contexte comme celui-là? C'est sûr que j'ai aucune habitude. Parce que moi, depuis que j'ai un demi-recherchiste devant moi, là, ici, d'en voir 9, je me sens un peu intimidé. Il y en a 2 en vacances. Et de voir en plus toutes les nouvelles technologies, les gadgets que vous avez. Mon Dieu, nous autres, on travaille encore à l'âge de pierre, comme tu sais. Puis en plus, j'ai un beau gros cachet, hein, mais je constate ça un peu comme mon retour sur mes impôts. C'est à toi, cet argent-là, Éric. Yes! Pour une fois. On vient tout juste d'arriver. Alors, on va se stationner dans ce stationnement de gauchistes à côté des chars de mes collègues gauchistes. Quoi? C'est pas sérieux. Je suis encore plus gauchiste qu'eux. Parce que moi, j'ai même pas de charge, Jean-Sébastien. Tu vois les maudits préjugés. Alors, on va sortir ma poche de ciment de gauchiste. On vous revient dans 2 minutes, tout de suite après le billet bien plate du gauchiste Fred Savard. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Baudier sur les ondes de la première chaîne, une émission où l'alcool coule à flot presque autant qu'à la mairie de Toronto. Ah, y es-tu drôle, Jean-Sébastien, Fred? C'est malade. Hein? C'est fou. Vous l'aimez, vous? Ah, énormément. Ah, vous aimez pas les nids de poule, par contre. Allez-y, là. Alors, permettez-moi de profiter de la présence de Denis Trudeau, que nous accueillerons plus tard, pour y aller d'une sorte d'hommage à la communauté anglophone de Montréal. Une sorte, hein? Ah, bon, je vous entends déjà dire, bon, c'est bien, un Anglais vient à l'émission et Fred Savard fait son têteux. Eh bien non, ma démarche est tout à fait sincère. D'ailleurs, on recevait Robert Poëty la semaine dernière et je n'ai pas fait d'hommage ni à la police, ni aux libéraux, et encore moins aux hommes souffrant de calvitie. Non, je veux surtout ajouter ma voix à ceux qui souhaitent une paix linguistique à Montréal. Hein, ça brasse ces temps-ci. Le François Cardinal en a parlé. On parle de plus en plus des relations francophones-anglophones. Mm-hmm. Et je ne suis pas de ceux qui accusent les anglophones pour le supposé recul du français à Montréal. Oh que non! Oh que no, no, no, no, comme le disait si bien feu regretté Amy Winehouse. Comme on le sait, 50% des Québécois francophones sont des analphabètes fonctionnels. Hein. Ça, c'est du recul, mes amis. Et ce serait la faute des anglos de Montréal? Pas pantoute! Not pantoute! Et je vous entends déjà me dire, puis ça, 50% d'analphabètes sont quand même fonctionnels, c'est quoi le problème? Et alors, le problème, c'est que ces gens sont incapables de lire un texte un temps soit peu développé. Pas pour rien que le Journal de Montréal compte maintenant 2,5 millions de lecteurs. Oh, franchement, Vous aimez ça, les images, vous? Alors, allez lire les commentaires sur les médias sociaux, allez lire ce que des gens écrivent dans les sections commentaires de nos médias électroniques. C'est à peine lisible. Comme le dit si bien Lisiane Gagnon à notre propos, c'est affligeant. On ne respecte même pas le français entre nous et on voudrait que les anglos et les allophones le fassent à notre place. Je ne pense pas. I don't think so, ici. Avant de s'offusquer qu'un restaurant du centre-ville écrive le mot pasta dans ses menus, ne devrions-nous pas s'offusquer de nos propres pâtes molles à nous qui respectent si peu le français? Et je parle ici des fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui, de colloques pharaoniques en colloques coûteux auxquels ils ont assisté un peu partout en Europe, ont décidé il y a quelques années d'instaurer l'infâme réforme de l'éducation qui sanctifie maintenant les compétences transversales au profit des connaissances générales. Et c'est la langue qui en pâtit, mes chers amis. Et j'en veux pour preuve mon propre fils, doté d'une intelligence fulgurante depuis sa naissance. Les pommes ne tombent jamais bien loin du maraîcher, comme le dit le poète. Il me ressemble pas beaucoup. Eh bien, depuis qu'il est entré dans le système public, ses capacités cognitives ont fondu comme neige au soleil. Il en est même rendu à apprendre le futur proche, mes chers amis. Exit le futur simple, finito le conditionnel. Nos enfants conjuguent maintenant le futur proche. Mais c'est quoi le futur proche? C'est quand le futur proche? Tantôt, dans 10 minutes, demain, ici, c'est n'importe quoi. J'ai même dû vérifier dans mon Becherel pour voir si je n'avais pas la berlue. Eh bien non, je n'avais pas la berlue, j'avais la nausée puisque le futur proche ne s'y trouvait pas. On enseigne le futur proche à nos enfants, un temps de verbe qui n'existe même pas, et on se demande après pourquoi ils sont si impatients tout en étant incapables de se projeter dans l'avenir. Et avec tous les congés pédagogiques qui composent une année scolaire que je qualifie de colonie de vacances, ils n'auront même pas le temps d'apprendre le subjonctif qui est si utile quand on veut impressionner les masses incultes. J'ose même croire qu'on considère l'apprentissage du plus que parfait comme une forme d'intimidation. Je suis persuadé que le futur proche n'est pas enseigné dans le système privé et qu'on est peut-être plus respectueux de la langue française, mais malheureusement, j'ai pas les moyens d'envoyer mon fils au collège des Marcelines, sans compter qu'il n'accepte que les petites filles. Une opération pour changer de sexe, c'est pas donné. Ce n'est donc pas la langue anglaise qui menace le français, ce sont les Québécois francophones eux-mêmes. Et que serions-nous sans les anglophones, hein? Nous serions probablement encore sous le régime féodal. Et n'oublions pas que c'est grâce aux anglophones qu'on a le plaisir de manger 2 œufs bacon tournés pain brun le matin, ce qui nous permet d'avoir assez de calories pour nous sustenter jusqu'au dîner. Ce sont les anglophones qui ont conçu la ville de Montréal de façon logique, avec des rues parallèles et des adresses qui montent vers le nord et qui descendent vers le sud. Ouais. C'est pas rien, ça. Imaginez si Montréal était construite comme Paris, avec des ronds-points et des rues qui mènent nulle part sauf vers des nids de poules. D'ailleurs, parlant de nids de poules et de rues putrides, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'anglophones qui défilent à la commission Charbonneau, hein? Ah! Et vous allez me dire que c'est la faute des Anglais? Et pour une fois, vous aurez raison. Ah! Oh. Ah. Il y avait beaucoup de longues phrases que je comprenais pas, mais en non, même temps, mais je vous expliquerai, je vous enverrai un graphique. Merci, c'est très gentil. Hey, on va retourner voir l'ami Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, êtes-vous là? Ah, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va super. Oh, oui, ça va bien. Je suis toujours à quatre pattes dans la rue en train de boucher des nids de poules devant Radio-Canada avec Éric. Ça va toujours bien, Éric? Très bien. Attention, il y a un gros chiffre qui va traverser la rue. OK, on est correct. Alors, j'ai des propositions de gens qui pourraient nous aider. Alors, je t'en fais part, tu me dis ce que t'en penses. Premièrement, les assistés sociaux, on les lève sur leur divan, on leur lave les cheveux, puis on leur donne une poche d'asphalte. Évidemment, évidemment, la job va être mal faite. Ils vont commencer à 4 heures de l'après-midi, mais c'est quand même mieux que rien. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une excellente idée, Jean-Sébastien. Ce que j'aime de ton idée aussi, c'est qu'on parle souvent de la congestion matinale à Montréal, des gens qui construisent les chantiers, c'est compliqué le matin. Mais là, avec les assistés sociaux, alors qu'ils vont rentrer, ça va faire longtemps que l'heure de pointe va être passée. Aussi, une idée qui plairait à ton ami Jeff Pillion, on pourrait utiliser les feufis. Au lieu de manifester puis de se frencher devant nos enfants, on les oblige à venir remplir des trous. Évidemment, faire de la construction avec des talons hauts puis des plumes dans les faufounes, ça va ralentir un peu le processus, mais c'est quand même mieux que rien. Qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, pour reprendre une autre grande idée de mon ami Jeff Pillion, je pourrais te dire, par exemple, qu'il faut faire attention parce qu'il faut pas faire de mal à nos enfants. Donc, si on commence à les faire travailler après 10 heures le soir puis que les enfants sont déjà couchés, je pense que pour le chiffre de nuit, ça serait bien correct. De toute façon, les gays, ça vit la nuit, on le sait. Alors, on va continuer à remplir nos trous, si vous le permettez, Jean-Philippe. Ben, on vous revient tout de suite et vous allez sûrement continuer de parler avec votre maudit séparatiste dans le studio. Il y a des chances. Vous lui poserez la question au petit duel, mais je pense qu'il est séparatiste aussi. Faites attention. Hein. OK, on s'en parle tantôt. Fred, notre deuxième invité. Ancien chef d'antenne à la CBC, notre prochain invité est un francophile de longue date et un globe-trotteur de fraîche date puisqu'il revient d'un périple de 2 mois en Afrique. Accueillons M. Dennis Trudeau! Bravo! Bonjour, hi! Hi, hi! Je pense qu'il faut dire ici, hi. Oh, yes. Dennis Trudeau, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, hein, vous êtes un peu le Bernard de Rome des Anglo-Québécois, mais avec les cheveux blancs. Mais plus jeune. Coudonc, il se teint-tu, Bernard de Rome? Je l'ai perdu de vue. Arrêtez donc. Hein. Nous aussi, on l'a perdu de vue. Les maudites retraites obligées. Pendant presque 20 ans, vous avez présenté les actualités télévisées du soir au réseau anglais de Radio-Canada de 18h, effectivement. Vous êtes en fait comme le Patrice Roy. On donnera pas ces comparaisons-là, c'est pas le fun pour personne. Non, mais vous avez étonné tout le monde en démissionnant le 10 novembre 2006, alors que vous étiez encore au top. Et vous avez donné... Mais pourquoi avoir quitté comme ça? J'avais assez couru. Ah oui? Oui, oui, j'avais assez couru. C'était, vous savez, à tous les jours, quand tu fais de la télévision, ouais. Il y a du maquillage, il y a le coiffeur. Ça, c'est le fun. Il y a le fixatif. Ça, c'est le fun aussi. Il y a même du pour les sourcils. Arrêtez donc. Arrêtez donc. Non, non, c'est ça. J'avais le goût de passer à autre chose. Et effectivement, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je suis l'homme libre que je suis depuis. Vous revenez d'un voyage en Afrique de 2 mois. Ça, c'est évidemment, c'est le bonheur de pouvoir d'être libre, en fait, de ne pas être attaché à CBC. Oui. 2 mois en Afrique? Très chanceux. Pourquoi? Oui. Dans le sud de l'Afrique pour... entre autres, pour fêter mes 65 ans. 65 ans, arrêtez donc. Merci. Vous allez enfin avoir votre pension. Ben oui, en partie. Non? Ben oui, c'était le temps, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a à découvrir en Afrique, à part que les routes sont plus belles qu'ici? Là? Sont superbes, les routes. Ben, j'imagine. Sont superbes, sauf qu'on conduit à gauche dans le pays que j'ai visité. Alors, ça, c'est un défi. Encore les maudits anglais. Wow. C'est vrai. C'est donc plate. Surtout à gauche. Ben non, je comprends donc. Mais je disais ça, vous êtes pas juste à vous êtes pas un full retraité, parce que je voyais que vous donniez des conférences, vous parlez de la réalité des médias, par exemple, dans quelques conférences que vous donnez. Et ben, parlons-en de la réalité des médias. Vous avez démissionné, ça fait maintenant presque 8 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que les médias d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez ça de façon positive? Est-ce que vous croyez qu'on a un bel avenir? Je vous plains. Je l'ai plaint. Ah ouais, parce que c'est Dieu. Difficile. Ben, c'est très difficile. Je sais que c'est pas facile. Je sais. Hey. chaque semaine avec ces gens-là, Fred Savard, là, c'est pas une partie plaisir. Mais non, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence de tous les médias, ouais. le cycle 24 heures qu'on dit, la pression pour produire à l'instant même, et que ça soit sur le web, en direct, en vidéo, en audio, et en tweet, et en face. Non, je sais. Non, je l'ai plein, là. C'est difficile. Hein? Donc, c'était le plus fun dans votre temps? Oui, absolument. Je crois que j'ai connu l'âge d'or de tous les médias. Dans les journaux, quand j'étais dans les journaux, c'était donc le fun. À la radio... C'était le fun. Et au début que je faisais la télévision, c'était le... Il n'y avait pas 12 animateurs par jour là, pour présenter les nouvelles. Ben, je compte. Non, c'était... Et on commençait direct. Il y avait deux couleurs aussi. Ben... Non, il y avait comme... Non. Ah, Fred, franchement, c'est un manque de respect. J'allais trop loin. Ça va, je suis daltonien de toute façon. Alors. Fred écoute la télé depuis Damoclès. Oui, c'est ça l'affaire. toujours est-il que nous, à Radio-Canada, on vit des changements constants. Ça bouge beaucoup. Depuis que vous êtes parti, on a eu plusieurs coupures. On a eu... On a connu ça aussi de mon temps. Paraît-il, j'ai entendu ça. Même les libéraux paraît vous couper. Ben, oui, c'est pour dire. Oui. Hein. CBC, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, CBC? Non, dites-moi voir. Chronic budget cuts. Ben, maintenant, il va falloir dire des coupures de budget chronique ici. C'est bien important. Sur votre site web, c'est écrit que vous disposez du salaire requis pour faire comprendre à l'une des cultures la réalité de l'autre. Et là, on parle évidemment de la culture francophone et de la culture anglophone. C'est-tu vrai ça ou vous avez juste marqué ça pour avoir des jobs? Non, mais c'est parce que vous avez... De toute façon, ça n'a pas marché. Ah non, vous n'avez aucun talent pour expliquer la culture anglophone à un francophone? Par exemple, on a Stéphane Bédard qui vient de Chicoutimi. Il y a 3 anglophones à Chicoutimi. Il y en a 2 de mort, puis il y en a un qui est muet. On pense qu'il est anglophone. On ne sait pas. On ne sait pas. Il est muet. Et anglophone fonctionnel. Oui, mais fait que la culture anglophone, on ne connaît pas tant que... Est-ce que vous êtes capable d'expliquer à Stéphane Bédard qu'est-ce que la culture anglophone et pourquoi la culture anglophone est importante à Montréal et au Québec? Non, hein. Quel défi. Vous n'allez pas me convaincre, Trudeau. De toute façon, mais oh, je pense que vous le savez déjà, parce que c'est un peu la culture mondiale qui nous entoure tous. Et je trouve aussi que c'est les Québécois francophones qui connaissent mieux la culture anglophone mondiale que les Anglais de Montréal connaissent. La vous culture francophone. Ça? Oui, je pense que ça. Est-ce que vous pensez qu'on est ouvert, nous, les Québécois? Parce qu'on n'arrête pas de dire que pas les Québécois, tous. On est... Non? Pas tous, non. Mais pas plus qu'un autre peuple. Je pense qu'il y a des gens fermés d'esprit partout, comme il y a des gens ouverts partout, dans toutes les communautés. Et le travail du gouvernement du PQ, là, un gouvernement qui est séparatiste. Donc, vous, quand vous voyez l'arrivée d'un gouvernement péquiste aussi fort que celui-là, là, 54 députés. Ah ouais. Il n'arrête pas de parler de souveraineté. C'est... Souveraineté tout le temps. Est-ce que ça fait peur à un anglophone de voir un parti souverainiste arriver au pouvoir? Pas un journaliste commentateur, non. C'est le bonheur, là. Bon, on va avoir de quoi... Je le sais, nous aussi, on capote bien raide, mais... Je crois que la peur, peut-être sur le coup, tout le monde a très bien compris, très assez vite que, bon, ils sont minoritaires, ils vont pas aller loin. Non, en fait, ils reculent. On va essayer de vous décevoir. Ben oui, ça va bien jusqu'ici, là. Et le travail fait par le gouvernement du PQ pour, ben pour essayer de joindre ces deux cultures-là. On parlait tout à l'heure de Jean-François Lisée et sa chanson là, ouais, Notre Home, qui a été le premier travail effectué par Jean-François Lisée, qui est le ministre de la Métropole, pour joindre deux cultures. Non, mais c'est vrai. C'est une chanson qui, en franglais ou en anglais, je ne sais pas trop comment dire ça. En tout cas, c'était bien bon. Oui. Est-ce que vous pensez... les images. Ben ouais, c'était... Je veux dire, je me reconnaissais là-dedans au bout. Est-ce que c'est la façon de faire pour rejoindre deux cultures comme ça? Je pense. Quelle question. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais que il y a des gens qui sont ouverts. Il y a des gens qui ont écouté cette chanson. Mais je pense que la chanson existait déjà avant l'arrivée de M. Lisée. On a fait dire des choses à M. Bédard. Oui. C'est niaiseux, mais maintenant on sait. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est la faute des libéraux, je pense. Ah, ok, j'en sais ça. Bon, vous savez, on avance avec ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Trudeau. Vous restez. Vous voulez une autre bière, peut-être? Bravo. Non, ça va. Parfait, excellent. Merci. Fred, notre prochain chroniqueur. Grâce à ses oreilles aiguisées, il découpe pour nous chaque semaine les meilleurs morceaux de la radio jambon qu'on déguste comme du filet mignon. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ouais! Ah mon Dieu. Vous avez des fans enfin, Olivier? Ben oui. Profitez-en. Ben, j'aimerais commencer en m'excusant d'avoir oublié la semaine dernière de souligner l'anniversaire d'un événement important de notre histoire. Ah oui? Mais heureusement que Richard Martineau l'a célébré pour nous. Et j'ai célébré le premier anniversaire de mon fameux tweet sur la belle vie, la sangria et les terrasses. Ah! Je le réécrirai mot pour mot aujourd'hui. Pourquoi un ouvrier d'une usine qui est payé salaire minimum paierait pour qu'un gars devienne médecin et fasse full cash? Ce n'est pas de la compassion pour les plus démunis. Et c'est ce que je disais, à la limite, entre les lignes. Ben oui. Si vous aviez été capable de lire entre les lignes de son tweet d'une seule ligne, ben vous auriez vu que c'était pas juste un vulgaire sophisme, là. Ah! D'autre part, samedi soir avait lieu l'événement Une heure pour la Terre, alors qu'on invitait la population à fermer les lumières dans un geste symbolique pour économiser de l'énergie. J'ai oublié. Franchement, comme si l'énergie, c'était le diable. J'ai rien contre l'environnement, mais c'est pas en démonisant et en diabolisant l'énergie qu'on va arriver à quoi que ce soit. Si ces gens-là réussissent à avoir ce qu'ils veulent, on revient pas juste au Moyen-Âge, on revient à l'époque des cavernes, pratiquement. Ben oui, les environnementalistes veulent nous ramener à l'époque des cavernes. Et Nathalie Elgrabli des HEC sait de quoi elle parle, puisqu'elle est elle-même un peu préhistorique. Un autre complot a été mis au jour par Sylvain Bouchard de Cogeco, qui a pris Anne-Marie Dussault en flagrant délit d'être peut-être souverainiste, ce qui lui a inspiré un plaidoyer pour que les commentateurs de l'actualité avouent leur penchant pour la souveraineté. Hey, je sais pourquoi ils ne l'avouent pas. C'est parce que le public se rendrait compte que c'en est tous. Et hein? Le public commencerait à se dire « Oups-a-l'ail! » Nos médias d'information sont tous contrôlés par des péquistes. Oups-a-l'ail! Non, mais là, je comprends pourquoi on lit autant de critiques dithyrambiques du début du mandat de Pauline Marois. Mais oui! C'est à cause de ça. Et comme pour jeter de l'huile sur le feu, des rumeurs voulaient que Radio-Canada songe à changer de nom. Évidemment que ce coquin de Sylvain Bouchard avait des suggestions. Ça pourrait s'appeler NPD TV. Ça pourrait s'appeler Radio-Québec souverain. Ouais. Ça pourrait s'appeler Télé-Gauche. Ouais. Ça pourrait s'appeler HarperEstUnDémon.com. Ouais. HarperEstUnDémon.com, j'adore ça. Je vais de ce pas le proposer au comité sectoriel de consultation sur les orientations, etc. Ça va sûrement passer. Non, faut pas la semaine dernière, je ne vous ai pas présenté l'extrait où Jeff Fillion trouve dégueulasse que des enfants puissent voir deux hommes qui s'embrassent à la télé à l'heure du souper, parce que je trouve ça dégueulasse de vous faire écouter ça à l'heure du souper. Mais Jeff Fillion est revenu sur cette controverse en invitant les homosexuels à arrêter de jouer aux victimes tout en se plaignant d'être victimes de censure. En avez-vous fini d'être des victimes, là? Je tiens à une chose qui est primordiale. Le droit de dire les choses que j'ai envie de dire. Si c'est fait dans le respect. Bon, le terme dégueulasse a peut-être choqué des gens. Vous savez, des fois, on peut s'amuser un peu avec cette... Mais il y a personne qui veut de mal à personne. Bon, on a le droit d'être irrespectueux tant que ça se fait dans le respect. Voilà. Dans le même ordre d'idées, Jacques Fabi, l'animateur de nuit au 98.5 FM, recevait cette semaine son chroniqueur automobile. Une belle occasion de démontrer que les 7 millions investis par le gouvernement dans la campagne contre l'homophobie servent à quelque chose. Les ajustements du siège conducteur, on était vraiment trop proche des pédales, trop proche du volant. Ben, là, je me suis toujours éloigné des pédales. Et tu sais que le gouvernement du Québec a investi 7 millions là-dedans? Ouais. 7 millions? Ben, j'ai rien dit. Bon. Monsieur Fabi devrait faire attention. Quand t'es trop loin de la pédale du break, tu peux déraper puis foncer dans le mur. D'ailleurs, là, il avait pas perdu son permis de conduire après un dérapage antisémite, lui? En tout cas. Terminons avec un extrait de la radio publique américaine NPR qui consacrait un reportage à la question linguistique au Québec en marge du scandale des pastas. On pouvait notamment y entendre l'un de nos plus prestigieux ambassadeur, Stéphane Gendron, qui avouait suggérer à ses propres enfants de quitter le Québec. I say to my own children, if you have a chance to leave that province, go. Go! Go somewhere else, you have the world. It doesn't sound like you're going to get ahead in Quebec politics when you talk like that. I mean... Comme vous l'avez entendu, le journaliste a compris assez vite que Stéphane Gendron serait nono de penser qu'il ira loin en politique au Québec. Gendron, lui, ben lui, il a pas encore compris. T'as pas le coup de te présenter, toi? Mairie de Montréal, 2017, peut-être. Mm-hmm. Pas non. Ah, avec Gendron en mairie, on va l'avoir, notre permis de pasta. Ici Olivier Niquette pour harperetundémon.com. Oh. C'est un super bon site, hein? Ben oui. Ah, je vois tout le temps là-dessus, moi. Hey, pour contrer l'exode des familles vers la banlieue, ben, la ville de Montréal a lancé une campagne de publicité hein, pour inciter les gens à s'installer à Montréal, ben justement, ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. L'idée est bonne, mais on trouve que les publicités ne vont pas encore assez au fond des choses. On écoute. Quand on a décidé d'acheter un duplex en ville avec ma fille et sa famille, je pensais pas aimer ça. Ils appellent ça le multigénérationnel. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que ça prend les économies de plusieurs générations pour se payer un duplex à 700 000 $ adjacent au plateau. Puis quand ils disent adjacent au plateau, ça veut dire à au moins 25 minutes en auto avec pas de stationnement. Pareil comme en Europe. Wow! C'est sûr qu'il y a des nids de poules gros comme la Yaris à ma fille, mais on peut prendre l'autobus aussi. Bon, pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, mais la quatrième. Quand t'as passe, des fois, il y a de la place. Puis en plus, pour ma petite fille, elle va pouvoir apprendre l'anglais gratis. Moi, j'appelle ça le bonheur. Bonjour! Habiter Montréal, c'est toujours aussi accueillant. Il s'agit d'être pas trop difficile. On va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Ah, mon Dieu, que c'était innocent. Hein? La chronique du petit Niquette. Moi, là, ça me met en colère, là, un gauchiste qui fait du millage sur votre beau travail à la radio Jambon. Éric, qu'est-ce que tu penses d'un gars qui fait sa carrière comme ça sur votre dos? Ben, moi, au contraire, je trouve pas ça que c'est si pire que ça. Le gauchiste pour gauchiste, là, je trouve qu'il fait un pas mal meilleur travail que Jean-Charles Lajoie dans le show du retour à Radio X. Honnêtement, là, en tant que gauchiste, j'aime autant Niquette. Ouais, mais Jean-Charles, il a une meilleure diction que Niquette. Ah, là-dessus, je te l'accorde. Ah, ça, c'est ça. Au moins, on comprend. Quand tu parles. Oui, Seigneur Dieu. Bon, ben, on a pas mal fini de patcher les nids de poule. Alors, Éric, si tu me permets, on va ranger tout ça. J'ai pensé qu'on pourrait aussi profiter de ta présence pour commenter des sujets chauds d'actualité. Pour une fois, Radio-Canada va entendre une parole riche et variée, loin des idées bien pensantes des maudits gauchistes du château fief du plateau. Alors, Éric, jeudi dernier, le PQ, dont le Conseil du Trésor est dirigé par Stéphane Bédard, annonce une baisse anticipée des revenus d'État pour plus de 800 millions de dollars. Assez de ne pas être trop dur avec lui, il paraît qu'il a bien gros mauvais caractère. Moi, écoute, j'aurais trouvé que ça aurait été une excellente nouvelle si le Parti québécois en avait profité pour réduire les dépenses publiques de plus de 800 millions de dollars. Ça aurait été une nouvelle extraordinairement positive pour le Québec. C'est pas de danger que ça arrive. Non, ça, par exemple, je te l'accorde, c'est vrai que c'est pas le fort. Autre nouvelle, mercredi dernier, le gauchiste Patrick Lagacé anime sa dernière émission des francs-tireurs pour aller rejoindre le gauchiste Jean-Philippe Vautier dans l'animation d'une nouvelle émission. Qu'est-ce que tu penses de ça, Éric? Ben écoute, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que j'ai très hâte de recommencer à écouter les francs-tireurs suite au départ de Benoît Dutrisac. Mon Dieu, Éric Duhaime, j'ai eu plus de plaisir avec toi en une heure qu'en un an avec toute l'équipe de la soirée étant encore jeune. C'était formidable. Alors nous, on vous laisse, Jean-Philippe. Éric et moi, on s'en va dans une soirée bénéfice au profit de la peine de mort puis de la criminalisation de la personne. Salut, Jean-Philippe. Bye, bye. Ah, merci, Éric. Bye, bye. Notre correspondant parlementaire est aux anges avec un budget fédéral, une chicane Québec-Ottawa et surtout, il revient de vacances de Miami. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bravo. Bon. Hey. Hey. Le printemps est enfin arrivé. Oh, sur, oui. Et sur la colline, c'est la saison des tulipes. Non? Pas en tout. C'est la saison des chicanes, Vautier. Ah. C'est ça qui est le fun. Ah. Vous-même, ces internets, vous essayez d'en partir. Là. Oui, oui. Mais là, je parle pas des manifs. Là. Les manifs, c'est assez 2012, ça, comme... c'est ça. Non, les pro-vie se chicanent entre eux, les libéraux se chicanent derrière Justin, mais surtout une 862e querelle Ottawa-Québec. Et ça veut dire quoi? De la job pour les journalistes! Yeah! Ça, c'est génial! Et là, je vous en prie, là, M. Bédard, là, ne reculez pas sur les chicanes, s'il vous plaît. Moi, là, je veux pas être pris pour aller faire des caméos aux francs-tireurs pour gagner ma vie comme lui. Là. J'ai pas été payé. Donc, une bonne chicane Ottawa-Québec, c'est toujours gagnant. C'est d'ailleurs en cassant du sucre sur le fédéral que Jean Charest a quand même gagné deux élections. Ne l'oublions pas. Et là, pendant que vous, la semaine dernière, là, vous faisiez les fanfarons. Oui, le mot est peut-être pas trop fort, mais les fanfarons. Moi, je décortiquais le document qui a mis le pays en ébullition. Vautier, l'excitant et historique budget de Jim Flaherty. T'as bon, ça. Au menu, éliminer une partie des transferts aux provinces pour la main-d'œuvre et surtout... surtout lutter contre l'évasion fiscale. Vous l'avez peut-être oublié, mais si vous dénoncez, vous serez récompensé. Si vous trouvez au moins 100 000 piastres de stratagèmes fiscaux illégaux, on vous récompense de 15 % de la somme. Alors, pour l'équipe, si j'ai envoyé les vidéos de la commission Charbonneau et la biographie de Paul Martin, et je m'attends à recevoir plusieurs milliers de dollars incessamment. Wow! Excellent! Mais vont-tu vraiment s'attaquer à l'évasion fiscale? C'est ça la vraie question. Le gouvernement un peu a décidé de s'attaquer à ce que lui considère comme de la vraie évasion fiscale. Non, je parle pas du travail au noir. Là. Je parle des méchants FTQ et CSN avec leur infâme fonds de solidarité. Là. Ah. Solidarité, d'ailleurs, c'est un mot interdit à Ottawa. Là. Fait que back off, Françoise. Fini le 30 % d'impôts supplémentaires pour les REER du fonds de solidarité. Ouais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on soupçonne que le gouvernement Harper agit de façon détournée pour interdire les insupportables pubs du fonds de la FTQ avec le clown cadré sur un décor pastel. Mais ça, c'est un gros plus, ça. Oui, mais est-ce que c'est la faute d'Alain Gravel et de ses reportages sur la FTQ? Non. Christian Paradis nous a expliqué ça avec mon expression préférée depuis juste part, angoisse fiscale et pantoite. J'ai nommé la fiscalité neutre. C'est quoi? Bon, même sur Google, c'est pas clair. Dans la bouche de Christian Paradis, ça veut dire tout le monde taxé pareil. Mais vous pensiez justement qu'Ottawa baissait les impôts des entreprises? Toutes? Non. Jim Flaherty a aussi décidé de hausser les impôts des salles gauchistes, des caisses populaires, des jardins. Hein? Ce qui veut dire moins de ristournes pour les membres, déjà qu'elles atteignaient même pas le pourcentage de Bernard Trépanier. C'est un scandale. C'est donc bien plate, ça. Ouais. Mais j'y pense, le moins d'avantages pour les fonds de solidarité, plus d'impôts pour les caisses pop. Qui profite de ça? Est-ce que ce seraient les banques? Ah! Enfin, on s'occupe des vrais démunis. Ah, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. Eh bien, imaginez-vous que c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret. Plus on est de fous, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Philippe Roberge et la superbe Marie-Hélène Vautier. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Monsieur le président du Conseil du Trésor, ben continuez de vous occuper du Trésor. Et Denis Trudeau, on vous écoute à Catherine Perrin. Et on vous reçoit quand vous voulez. Vous avez du temps à chaque fois que vous revenez de voyage. On vous reçoit, la soirée est encore jeune. Quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et aussi, si vous voulez venir assister à l'enregistrement d'émission, ça se fait les jeudis à 17h. Et vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel. Ici. Et oui, ici. L'adresse, c'est quoi? C'est ici, Radio-Canada. Et on sera un plaisir de vous réserver une place. Nos invités de la semaine prochaine, Daniel Breton. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Peut-être un petit verre de vin, tu vois. On en reparle tout le temps. Et Isabelle Richer pour nous parler de la commission Charbonneau. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.